Nyangi. Lundi 20 mars, madame, monsieur, bonjour. Vous voudrez bien nous excuser de ces trois minutes de retard. Voici les grands titres de cette édition. Les cultivateurs n'obtiennent pas de facilité, notamment en matière de fertilisants et semences et autres. Ceci pouvant expliquer la hausse des prix des produits vivriers, selon Francis Lohero, économiste que vous entendrez dans cette édition. En province, Makamba, on vous parlera du programme des cantines scolaires, une des solutions aux abandons scolaires chiffrés à près de 5 000 au premier trimestre de cette année. Dans la chronique sportive de ce lundi, vous aurez la seconde partie sur l'arbitrage du volleyball. Et dans l'actualité régionale, la province du Nord Kivu est confrontée à une très importante crise humanitaire. Près de 800 000 personnes ont été déplacées depuis un an, principalement en raison du conflit lié au M23. La mise en onde de cette édition est assurée par Chancelier Mugisha Wimana. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'Afrique a tous les atouts pour se développer, notamment une population jeune et des terres arables, sont des propos de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Il a dit samedi au terme de sa visite de 3 jours au Burundi. Selon lui, c'est inadmissible que l'Afrique manque de blé pour la seule cause qu'il y a une guerre en Ukraine et s'est réjoui d'avoir trouvé le président burundais sur le terrain de travail en province à Kirundo, au nord du Burundi, là où il a été reçu en audience. Moussa Faki Mahamat estime que des défis ne manquent pas, mais qu'il faut travailler pour les surmonter. Suivez. J'ai appris que tout le temps, il est en tournée à l'intérieur du pays pour voir ce qui se passe, pour encourager, pour encadrer. Je crois que c'est la manière qu'il faut pour pouvoir être en contact avec le pays réel, encourager les gens au travail. Dans ce continent, je crois que l'une des choses la plus importante, c'est le travail. Assurer sa sécurité alimentaire est un devoir pour tout leader. On ne peut pas comprendre qu'un continent comme l'Afrique, 30 millions de kilomètres carrés, j'ai vu la quantité d'eau qu'il y a dans ce pays. Les terres riches, une population jeune, il est tout à fait inadmissible qu'on attende que le blé vienne de l'Ukraine ou que je ne sais pas, le maïs vienne de je ne sais où. Je crois qu'il faut absolument se mettre au travail. Et il est certain que l'Afrique sera autosuffisante et peut même exporter. On nous a dit que 60% des terres arables non utilisées sont en Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument remarquable. Et donc, les défis existent. Il faut continuer à travailler. Il faut consolider. Il faut intégrer. L'Afrique ne peut jamais se développer tant qu'elle n'est pas intégrée. L'intégration, c'est la chose la plus importante. Au niveau de l'East African Community, je sens qu'il y a un élan important. Il faut construire des infrastructures pour connecter les pays de l'intérieur à la mer. Le Burundi a deux grands marchés, la RDC et la Tanzanie, qui sont des très grands pays africains. Et donc, si on produit ici, je suis sûr que les marchés existent. Il suffit de créer les conditions. Les défis, il n'est pas seulement celui du Burundi. Les infrastructures, l'énergie et l'industrialisation sont les défis de notre continent. Et c'est vraiment sur ça que nous focalisons toute notre attention en tant qu'Union africaine pour pouvoir atteindre l'Afrique que nous voulons. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, au terme de sa visite de 3 jours au Burundi, c'était samedi. Les prix des produits vivriers continuent à grimper sur le marché à travers tout le pays. Francis Lohero, économiste, ancien candidat à la présidence de 2020, explique que cela est normal quand des cultivateurs n'obtiennent pas de facilités, notamment en matière de fertilisants, les semences et autres. De ce fait, la production manque alors que les consommateurs sont nombreux. Il appelle le pouvoir public à investir dans l'agriculture. Suivez-le au micro de Léonce Vitalio. Dans un pays où de plus en plus on n'investit pas dans l'agriculture, où quelques individus le font juste par plaisir, mais où le peuple ne cultive pas, c'est naturel que quand les produits s'amenuisent de plus en plus et que ceux qui consomment augmentent de plus en plus, que cette situation se retrouve parce qu'il n'y a pas assez d'offres alors que la demande est sans cesse croissante. Ce phénomène, on le remarque aussi dans ces moments où il y a à chaque fois des informations qui disent que la monnaie burundaise perd sa valeur par rapport à des devises internationales. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont des produits, ils ont tendance à comprendre que la monnaie burundaise n'a pas assez de valeur. Ils ont tendance à augmenter les prix. Augmenter les prix, mais le pouvoir d'achat des citoyens. Celui qui augmente le prix, il n'a pas besoin de savoir le pouvoir d'achat du citoyen. Son problème est qu'il rencontre quelqu'un qui va acheter. Celui qui vend, il a envie de gagner. Celui qui achète, il doit chercher comment faire. Alors, que devraient faire ces citoyens, les consommateurs? Que devraient faire les décideurs? Il faut qu'on comprenne, s'il n'y a pas d'investissement dans la matière, on n'aura pas de solution. Et c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait des investissements dans le domaine. Il y a peu, on voit des gens, quelques dignitaires qui nous disent qu'ils sont allés récolter des tonnes et des tonnes de ce qu'ils ont fait. C'est une bonne chose. Mais quand ils le font à deux, à trois, à quoi ça sert dans un pays où il y a des millions d'habitants? Il faut que les agriculteurs puissent avoir des fertilisants, qu'ils puissent avoir des outils pour travailler, qu'ils puissent avoir assez, le nécessaire pour produire. Et si cela est fait, il faut qu'on se rappelle, l'investissement public, le budget du Burundi, doit d'abord investir dans des choses qui amènent la production. Avant tout, il ne faut pas qu'on investisse dans des choses qui ne produisent pas. Oui, qui peuvent amener du folklore, mais qui n'amènent pas la production. Et sans production, les prix vont monter. Et si les prix montent, la situation sociale se complique de plus en plus. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page éducation à 13h04. Dans le studio de la radio Isanganiro, le programme des cantines scolaires est envisagé dans les communes de Kayogoro et Nyanzalak en province Makamba. C'est au sud du Burundi. Les responsables de l'éducation dans cette province estiment que ce programme, une fois implanté, pourrait diminuer les cas d'abandon scolaire qui sont chiffrés à plus de 4700 pour le premier trimestre de l'année scolaire en cours. Des raisons avancées sont entre autres la pauvreté dans les ménages et le désintéressement des élèves. Le point avec Moïse Misago de retour de Makamba. Selon certains parents des communes Makamba, Kayogoro et Kibago, la pauvreté dans les ménages est la principale cause des abandons scolaires. À cela s'ajoute la hausse des prix des produits de base qui s'observe ces derniers jours, qui enfonce les parents dans l'incapacité de subvenir aux besoins de leurs enfants. À côté de ces causes, s'ajoute aussi le désintéressement des élèves selon toujours ses parents. Plus de 4700 élèves ont abandonné l'école pour le premier trimestre à Makamba, des données fournies par la direction provinciale de l'enseignement dans cette province du Sud. Sidine Dagizimana est le conseiller chargé des planifications et des statistiques à cette direction. Et si on donne le total général d'abandon au premier trimestre, je vous dirais que nous avons eu 2215 filles qui ont abandonné au premier trimestre dans toute la province scolaire de Makamba. On a eu 2530 personnes qui ont abandonné, ce qui nous donne un total de 4745 élèves qui ont abandonné au premier trimestre. Ce chargé de planification estime que le programme des cantines scolaires envisagé dans les deux communes de cette province aura un impact positif dans la diminution des cas d'abandon scolaire. Nous avons espoir qu'avec le démarrage des activités de ce projet, il y aura quand même une réduction des effectifs d'abandon, parce qu'il y a des élèves qui vont être intéressés de rester à l'école par le fait que ce programme sera en cours. Lors de la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire au mois de mai dernier à Kirundo, il a été signalé que ce programme de cantine scolaire nourrit actuellement 670 élèves, mais que le gouvernement compte nourrir près de 3 millions d'élèves sur toute l'étendue du pays. Moïse Misago, quittons la province Makamba pour nous rendre en province Kayanza. C'est au nord du Burundi, au lycée Gatara, qui ont besoin de 150 matelas pour les élèves internes, selon Deus Guilimana, directeur d'école. Il a dit ce dimanche, à l'occasion de la réception d'un don de 25 matelas octroyés par le Carrefour, des anciens élèves et éducateurs de ce lycée. Benjamin Mitawakana, président de ce Carrefour, indique que prochainement, il y aura distribution d'un deuxième lot qui sera plus élevé par rapport au premier. Le point avec Patrick Nsengiyumva. Les cérémonies de la remise de ce don à matelas au lycée Gatara, aujourd'hui nommé Institut Saint-Joseph de Gatara, ont été débutées par la célébration d'une messe qui a été dirigée par certains des prêtres, anciens élèves du lycée Gatara. Benjamin Mitawakana, président du Carrefour, des anciens élèves éducateurs du lycée Gatara qui a donné ces matelas, a indiqué que ce geste qu'il qualifie lui d'humanitaire rentre dans le cadre de soutenir l'établissement scolaire dans lequel lui et ses collègues ont puisé des connaissances les dernières années. C'est aussi dans l'objectif de ce rejoindre aux autres élèves éducateurs du lycée Gattara dans la célébration de la fête de Saint-Joseph, a ajouté le président du CAELEJ. Frère Dieyishi Bigirimana, directeur du lycée Gattara, a beaucoup salué cette initiative et des membres du Carrefour des anciens élèves éducateurs du lycée Gattara de contribuer dans le développement de l'établissement scolaire qu'il dirige. Il appelle d'autres anciens élèves de ce lycée qui ne sont pas dans ce Carrefour de les prendre pour modèle. Frère Dieyishi Bigirimana a fait savoir pourtant que cette école qui abrite 550 élèves et dont 520 internes se retrouve aujourd'hui dans le besoin en matelas de 150 pour que les élèves puissent dormir confortablement. Doussengimana Jean-Claude Redoyen du lycée Gattara n'a pas lui non plus manqué à apprécier positivement ce geste posé par les anciens élèves éducateurs du lycée Gattara et appelle les élèves qu'il représente à bien prendre soin de son patrimoine scolaire. À l'occasion de ces cérémonies de la remise de ces matelas, des anciens élèves du lycée Gattara qui ont beaucoup représenté d'autres ont reçu des certificats de mérite. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganilo. Radio Isanganilo, chronique sport. Place à la chronique sportive de ce lundi à 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro. Le manque de terrain moderne et d'arbitres internationaux en volleyball sont certains des défis auxquels fait face la Fédération burundaise de volleyball. Et pour trouver solution à ces problèmes, le général de brigade de police Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball, demande au ministère ayant les sports dans ses attributions d'augmenter les moyens destinés aux fédérations sportives. Et les détails, c'est dans cette chronique sportive signée Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Le problème majeur qui s'observe dans l'organisation du championnat national de volleyball est le manque de terrains ouverts, comme l'indique le général de brigade de police Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball. Maintenant, le problème que nous avons, le problème majeur, ce sont les terrains. Parce que nous avons un problème majeur du terrain couvert, parce que tout d'abord, on ne peut pas abriter les compétitions internationales, régionales jusqu'à présent. Nous avons un problème, un manque criant des équipements, quand même qu'il faut souligner, et les ballons, on doit se battre. Il est vrai, la Fédération internationale nous a donné quelques ballons, mais ça ne suffit pas. Par exemple, si on compte faire des pépinières et de quoi tout qu'on sort, il nous faut beaucoup d'équipement, et ça c'est un problème. Mais du reste, quand même, nous avons un atout, c'est-à-dire nous avons le personnel. Donc il y a les joueurs, il y a les pépinières, il y a les académies, tout fonctionne bien, mais le problème c'est sur les équipements. À cela s'ajoute le manque d'arbitres internationaux, mais son président reste confiant que son défi va trouver solution suite à une formation prévue pour bientôt en Suisse. Il y a aussi un problème de manque d'arbitres internationaux, mais la Fédération internationale nous a promis qu'il y aura une formation des arbitres donc, qui se déroulera en Suisse. Et j'espère qu'on aura un ou deux arbitres internationaux cette fois-ci. Le président de la Fédération burundaise de volleyball a appelé le président des clubs à préparer minutieusement le championnat national. Franchement, par là, je dirais au président des clubs de se préparer davantage parce que le pays a besoin de savoir exactement le niveau du volleyball burundais. Même l'opinion internationale, parce que souvent les matchs sont mis en ligne, tout ça. Et on aura besoin quand même d'un niveau très élevé pour que l'on puisse affronter d'autres équipes du Maghreb qui se disent toujours supérieures aux autres équipes. Quant au ministère et à les sports dans ses attributions, il leur demande d'augmenter les moyens destinés aux fédérations sportives. C'est de continuer à nous soutenir et de développer, donc de créer peut-être un budget pour le sport, un budget adéquat. Parce que c'est vrai, il y a le budget, mais qui est maigre, donc qui ne peut pas supporter donc les besoins, tous les besoins du sport. Comme vous le savez, il y a beaucoup de disciplines et le budget est toujours maigre. On ne peut pas avoir tout ce qu'on a besoin, mais on nous ose espérer que donc, le ministère du sport dans cette institution, c'est de continuer à nous soutenir. Général de brigade de police Serge Nakavura demande également aux investisseurs et les hommes d'affaires de sponsoriser tous les sports en général et le volleyball en particulier. Actualité internationale. En actualité africaine, la province du Nord Kivu est confrontée à une importante crise humanitaire. Près de 800 000 personnes ont été déplacées depuis un an, principalement en raison du conflit lié au M23 dans la ville. Les camps sont saturés, les conditions de vie sont difficiles. Le local est celui de Burengo sur l'axe qui relie Sake à Goma et qui abrite plus de 100 000 personnes déplacées. Conséquence de cette situation, les cas de choléra se multiplient selon la RFI. Et en Centrafrique, les enseignants reprennent ce 20 mars le chemin de l'école. Depuis le 7 mars, ils observaient en mode d'ordre de grève mettant les activités scolaires à l'arrêt. Dans tout le pays, ce mouvement devrait durer jusqu'à la fin du mois, mais les responsables syndicaux qui revendiquaient notamment la revalorisation des salaires ont rencontré le 14 mars le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra au palais de l'Unité à Bangui. Voilà. À 13h13 dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Chancela Mugisha Wimana qui assurait la mise en onde. Très bon après-midi à tous. Au revoir.